il donnait une espèce de chronologie du rythme. Et cette évidence du rythme, si on la respectait, la pièce, tout à coup, s'éclairait et devenait merveilleuse. Пожалуйста, перестань очищать эту медузу. Меня это бесит.